Adélaïde et Vermouth par Eugène Verconcin, lu par Sophie France à Veules-les-Roses en décembre 2024. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Personnage: Vermouth, voltigeur. Adélaïde, bonne d'enfant. Monsieur le Comte, bébé au maillot. La scène se passe à Paris, dans le jardin des plantes. Scène première. Au lever du rideau, Adélaïde, assise sur un banc, tient sur ses genoux un enfant au maillot. Elle jette un cerceau à une petite fille qu'on ne voit pas. « Voici votre cerceau, mademoiselle Camille, mais ne vous éloignez pas trop !» berçant son bébé. « Dodo, l'enfant dormira bientôt. Dodo, l'enfant dormira bientôt. Dodo. » Elle chante et sa voix s'adoucit et s'éteint à mesure que l'enfant s'endort. « Enfin, voilà monsieur le comte endormi. Achevons le roman que j'ai pris ce matin dans le boudoir de madame. Oh, est-il Dieu possible qu'il y ait des créatures adorées comme ça? Trois duels pour une seule femme, quand je pense qu'il n'y a pas encore eu un homme sous la calotte des cieux qui se soit seulement asphyxié pour moi. Je sais bien que tout ce qu'il y a dedans n'est pas arrivé, que c'est des menteries, des frictions, comme dirait madame. Mais c'est égal, c'est bien gentil tout de même. Ah, si jamais je deviens riche, moi, je sais bien ce que je ferai. Le matin, je prendrai mon café dans mon lit. En lisant des romans, le jour, j'irai voir manœuvrer les troupes au Champ de Mars. Et le soir, j'irai tous les jours au spectacle. Vermouth paraît. Oh, un militaire! Lisons! Scène 2. Vermouth à la cantonade. Que c'est convenu, sergent, et que nous nous retrouverons devant les singes. Au public. Je préfère le jardin des plantes aux Tuileries, à cause des animaux. Les singes, surtout. Ils m'amusent, ces animaux-là. Apercevant Adélaïde. Crédieu, la jolie femme! C'est particulier, ça, mais je ne peux pas voir une jolie femme sans penser que je suis du sexe galant. Il passe devant Adélaïde en toussant et en frisant sa moustache. Adélaïde à part. Comme il me regarde! Il me dévore, quoi! Vermouth à part. Différemment, avant de partir pour l'Afrique, il ne me serait pas inférieur d'emporter une mèche de cheveux de cette jeunesse-là. Il retousse. J'ai beau tousser, elle ne lève pas l'œil de dessus son bouquin. Ce n'est pas naturel. Quand une jeunesse a un livre vert devant les yeux et qu'un militaire passe dans les environs, ça n'est pas son livre qu'elle regarde. Chacun sait ça. Nous vont bien voir. Il passe derrière Adélaïde et jette un coup d'œil par-dessus son épaule. « Qu'est-ce que je disais? Son livre est à l'envers !» Il s'assoit à l'extrémité du banc, haut. « Vous permettez que je me repose un brin, mademoiselle ?» Adélaïde, minaudant. « Oh, le pain est à tout le monde !»« Il est juste. Toutefois, néanmoins, ce que ma présence vous désobligerait, que l'on est français avant tout, et que l'on irait planter sa tante ailleurs. Votre tante? C'est une expression qui se dit à l'armée de la guerre. Autrement dit, que je ficherais mon camp, que ça me contrarierait souverainement et même davantage, mais que je le ficherais. Adélaïde, touchée. Je ne vous renvoie pas, monsieur le militaire. Oh, que vous êtes bonne. Depuis 2 ans chez Saint-Comte. Hein? Elle fait du calembour? Nous vont rire tout à l'heure. Il se rapproche d'Adélaïde. Vous n'êtes pas bien? Pardonnerez. Mais présentement que je suis mieux, l'approximation d'une jolie femme est en fait pour réjouir le cœur de tout soldat français. Flatteur. Pour ça, non. Pour ça, si. Pour ça, non. Que c'est la nature qui parle en moi, mademoiselle. Comment qu'on vous appelle ? Adélaïde. Tiens, votre nom rime avec Ophicléide, le plus bel instrument de notre musique à nous autres militaires. Aimez-vous la musique militaire ? Je l'adore, elle porte au cœur. Que c'est vrai tout de même qu'elle porte au sentiment. À preuve que, pas plus tard que ce matin, nous avons été à la parade, musique en tête, et que depuis ce matin, je suis amoureux comme je ne sais pas quoi. Peut-être plus. Il se rapproche encore d'Adélaïde. Quel âge que vous avez ? 20 ans. Scène 2, Vermouth soupirant. La belle âge pour aimer, quoi. Et d'où que vous êtes ? De Pichefleur, en Alsace. Différemment que vous êtes alsacienne. Moi, je suis tourangeau. Par ainsi que nous sommes quasi pays, touchez là sans vous commander. Je ne sais si je dois. Bah, devez. Il lui prend la main et la garde. Et vous, comment qu'on vous appelle ? Moi, on m'appelle Vermouth. Plaît-il ? Vermouth, que je vous dis, c'est le nom que mon capitaine m'avait donné en Afrique, à cause que tous les matins, je lui portais le sien. Flageolo Vermouth, 29 ans, 3 campagnes et médaillé. 2 blessures reçues, l'une à la jambe et l'autre à Solferino. Mais toutes deux subsidiairement guéries, comme je pourrais vous le faire voir, si les lois de la pudeur ne s'y opposaient. En ce moment garnisonné au Mont Valérien. Bon enfant, et surtout agréable avec le sexe, comme vous pourrez vous en convaincre si vous promettez que je cultive votre connaissance. Cachons que vous en dites au sang à toutes les femmes. Que je suis voltigeur, mais point volage, Madame Victoire. Vous dites ? Je dis que je suis voltigeur, mais point volage, Mademoiselle Victoire. Mais je m'appelle Adélaïde. Vermouth à part. Bigre, j'ai dit une bêtise. Vous voyez bien que vous me trompez déjà. L'enfant pleure. Adélaïde le berce pour le rendormir. Prémettez qu'on s'explique. J'ai dit Mademoiselle Victoire. Cherchant une idée. J'ai dit Mademoiselle Victoire parce que c'en serait une. Un peu flatteuse que de faire votre conquête, Mademoiselle Ophicléide. Se reprenant. Adélaïde. Ah, vous me faites l'effet d'un fier enjôleur, vous. Le fait est que c'est assez bien trouvé. Voyons, que l'on ne rend pas sa menotte à ce pauvre Vermouth. Ah, ces hommes, c'est comme des mendiants. Ça demande toujours quelque chose. L'enfant repleure. Mais taisez-vous donc, monsieur le comte. Le fait est qu'il est embêtant, votre mioche. C'est même une question que je me suis faite bien souvent. Pourquoi donc que ces gredins d'enfants pleurent toujours ? Hein ? Vous en voyez donc souvent ? Oh, quelquefois dans le monde. À part. Elle sera jalouse. Oh. Je disais, pourquoi qu'ils pleurent toute la sale journée, sauf les repas, s'entend ? Qu'est-ce qu'on leur fait ? Je vous le demande. Est-ce que nous pleurons, nous autres ? Vous ne faites pas vos dents, vous autres. Monsieur le comte a la dentition difficile. Ça lui donne des petites coliques, ça. Suffit, je comprends. Adélaïde, regardant autour d'elle. Allons, voilà sa sœur Camille encore partie. « Mademoiselle Camille !»« Ah, vous en avez encore une autre ?»« Une plus grande, elle a déjà... »« J'entends bien, elle n'a plus de colique. »« Je crains toujours qu'elle n'aille du côté des animaux. »« Il n'y a pas de danger, puisqu'on ne les laisse pas communiquer avec le public. »« Différemment, mademoiselle ou fille Adélaïde, que vous sortez le dimanche pour aller voir madame votre tante ?» Mais je n'ai pas de tante. Eh bien, et moi donc, que je serai votre tante et que je vous aimerai comme ma nièce, et même plus si c'est votre idée, et que je vous attends demain devant la fosse à l'ours. Je ne sais si je dois. Bah, devez. Je connais dans les environs du voisinage un restaurant de premier choix. Je ne suis pas à portée de ma bouche, monsieur Vermouth. Et si je consentais à venir, ça ne serait que pour le sentiment et parce que je me fierais à la délicatesse d'un militaire qui ne voudrait pas subtiliser une jeunesse comme moi. Vous subtilisez, mademoiselle Adélaïde, mais j'aimerais mieux subtiliser toutes les femmes que d'en subtiliser une seule. Adélaïde reconnaissante. Merci. Et le soir, nous irons au spectacle. Aimez-vous le spectacle? Je l'adore, surtout les ceux où l'on pleure. Je ne m'amuse jamais tant que quand je pleure. Moi, dans les moments plus rares, je ne pleure pas. Mais pour être secoué en dedans, je suis secoué en dedans. Voix d'une marchande de plaisir chantant. Voilà le plaisir, mesdames, voilà le plaisir. Vermouth à Adélaïde. Vous voulez me faire celui d'en accepter un, hein? Je ne voudrais pas vous enduire en dépenses. M'enduire? Mais pour vous être agréable, je me ruinerai avec volupté. Oui, la marchande! Non, monsieur Vermouth. Que vous ne l'aimez donc pas, le plaisir? Ah si, ah si! Alors laissez-moi faire du folie pour vous. Ouais, la marchande! En sortant, il tire sa bourse de sa poche et laisse tomber un paquet de lettres. Scène 3. Adélaïde seule. Il a laissé tomber quelque chose? Une lettre? Deux lettres? Trois lettres? Des lettres de femme? Peut-être, si je les lisais, ce serait indiscret, mais c'est la seule manière de savoir ce qu'il y a dedans. Elle ouvre une lettre, lisant. Femme adorable? Là, qu'est-ce que je disais? Le monstre me trompe déjà. Femme adorable, hier à la promenade, je ne vous ai aperçu que 10 minutes, mais ça m'a suffi. Depuis ce moment, j'en perds le boire et le manger. Et il m'offrait d'aller au restaurant l'effronter. Si c'est un effet de votre bonté, vous obtempérerez à mon amour et vous vous trouverez demain sur le coup de midi aux Tuileries devant le sanglier. Oh, les hommes, les hommes! Voyons la seconde. Lisant la seconde lettre. Femme adorable, hier, à la promenade, je ne vous ai aperçu que 5 minutes. Mais c'est la même lettre, moins 5 minutes! Quel gredin! Voyons la troisième. Lisant la troisième lettre. Femme adorable! Encore! Le brigand! 3 femmes! Il me trompait pour 3 femmes! Le voilà! Je vais leur tourner, moi! Scène 4. Vermouth avec des plaisirs. Voilà les plaisirs demandés, ma païse! Adélaïde renversant le paquet de plaisirs. Et voilà le cas que j'en fais! De quoi? Voilà comment on émiette son plaisir! Adélaïde lui lisant ses propres lettres. Femme adorable, hier, à la promenade, je ne vous ai aperçu que 10 minutes. Prenons la seconde. Femme adorable, hier, à la promenade, je ne vous ai aperçu que 5 minutes. Prenons la troisième. Femme adorable, hier, à la promenade. Vermouth à part. Bigre de bigre, il a mis la main sur mon arsenal. Adélaïde lisant toujours. Je vous attends demain devant le sanglier. Allez-y donc, devant votre sanglier, retrouvez vos femmes adorables. Mais ne me reparlez ni de ma vie, ni de mes jours. Vous voulez tant seulement m'écouter un brin? Laissez-moi! Mais il n'y a de femmes adorables que vous, Adélaïde. Il ose encore, après ce que j'ai lu. Mais, petite bêtasse que vous êtes, toutes ces lettres-là, c'est pour rire. C'est des inventions, ces lettres-là ne sont jamais arrivées à leur adresse. Et la preuve, c'est que je les avais dans ma poche. Vous voyez plutôt la marque de la pliure. Qu'est-ce qu'il manigance encore? Je ne manigance point. Tenez, voulez-vous que je vous dise? Eh bien, tout ce qui arrive là, c'est la faute à mon lieutenant. un beau garçon. Nous sommes tous comme ça au régiment. Sans ça, on ne nous recevrait pas. Le fat. Et qui a toujours une pacotille de lettres faites d'avance. Pour quand ça se trouve. Différemment, il m'a donné sa recette. Mais c'est abominable. Je n'ai pas trouvé ça abominable et j'ai suivi l'exemple de mon chef, comme ça se doit dans le militaire. Mais aujourd'hui que je vous ai rencontré, aux filles... Non, Adélaïde, il n'y a plus de femme adorable que vous. La vraie vérité. La vraie. Tenez, je vais vous dire un mot que, quand on l'a dit, ça engage. Dites voir. Eh bien, croyez-moi, hermétiquement. Hermétiquement? Qu'est-ce que ça veut dire? Innocente que vous êtes, vous ne savez pas, ça veut dire hermétiquement. C'est un mot... Ne le dites à personne, au moins... Ça pourrait me compromettre, confidentiellement. Que c'est un mot du gouvernement. Allons, je vous pardonne. Et moi, je déchire mes lettres et je vais les donner en pâture aux animaux. À propos d'animaux, Camille ne revient pas. Je commence à être inquiète. Si c'était un effet de votre bonté de garder monsieur le comte un instant. Passez-moi le mioche. Ce n'est pas la première fois qu'on aura vu vermouth. Vous dites? Qu'on aura vu un soldat français garder l'innocence. Adélaïde sort. Scène 5. Vermouth tenant l'enfant sur ses genoux. Décidément, elle sera jalouse. Examinant le comte. C'est un assez bel enfant, mais j'ai vu mieux que ça aux Tuileries. L'enfant pleure. Bon, voilà la musique qui recommence. Différemment que je suis de l'avis de ce caporal que j'ai vu dans une pièce de comédie, j'aime bien les enfants, mais je trouve qu'ils naissent trop jeunes. S'adressant au bébé. Je sais bien ce que tu voudrais, mon gaillard, mais tu perds ton temps, mon garçon. Je ne suis pas la nourrice, moi, je ne peux pas. Ce n'est pourtant pas le lait qui me manque. Il ne comprend pas. C'est même des bêtises de dire des mots spirituels aux enfants. Ils ne comprennent pas. L'enfant pleure. Allons, un peu de patience, que diable, faut se faire une raison. L'enfant crie. Je t'en fiche, je vais le mettre sur le ventre. On dit que c'est souverain pour calmer les enfants. Il retourne l'enfant qui cesse de pleurer. Il se calme. Il se calme. Il le fait sautiller doucement. Tout à coup, sa physionomie, de souriante qu'elle était, devient sérieuse, inquiète. Il jette des regards de détresse sur les spectateurs. Enfin, il soulève l'enfant avec précaution et dit avec résignation. « Ça y est. Oh, ça y est. Je disais aussi. Qu'est-ce donc qui est chaud comme ça? Si seulement j'avais eu le tablier d'un de nos sapeurs, on devrait toujours prendre un tablier de sapeur quand on est exposé comme nous autres. » Tenant l'enfant entre ses jambes. « Laissons-le égoutter. » L'enfant pleure. Oui, pleure, petit malheureux. Tu as bien raison après ce que tu as fait. Ils n'ont pas le moindre empire sur eux-mêmes, ces moutards-là. Et c'est un comte qui se conduit pareillement. Comme la noblesse dégénère, mon Dieu. Allons, voilà que c'est froid à présent. C'était chaud tout à l'heure, maintenant c'est froid. Et mademoiselle Sabonne qui ne revient pas. Si je le fourrais sous le banc pour le punir. Quelle faction, mon Dieu! Scène 6. Adélaïde, accourante et perdue. Monsieur Vermouth! Monsieur Vermouth! Oh! Reprenez votre mioche! Camille qui vient de tomber dans la fosse à l'ours! Qu'est-ce qu'elle dit? Regardez là-bas la foule près de la fosse! C'est un enfant qui est tombé dans la fosse! C'est Camille! Bien sûr! Vermouth sortant. Voyons voir que je vois. Il sort. Scène 7. Adélaïde seule. Quel malheur! Seigneur mon Dieu, quel malheur! Que va dire madame s'il faut que je rentre sans la petite? Non, j'aime mieux ne pas rentrer. J'aime mieux aller me noyer avec l'autre. Au bébé. N'est-ce pas, mon trésor, qu'il vaut mieux aller nous noyer ensemble? Et Monsieur Vermouth, il ne revient pas. Vermouth paraît. Le voilà, seul. Comme il est dévoré. Scène 8. Vermouth, grave. Elle vit. L'enfant qui est tombé dans la fosse à l'ours et que celui-ci dévore avec la gloutonnerie naturelle à cet animal est en carton. C'est une poupée. Merci, mon Dieu. Dans sa joie, elle lève les bras au ciel et laisse tomber l'enfant que Vermouth rattrape au passage. Quant à votre petite Camille, que vous pouvez l'entreapercevoir d'ici, qui cause familièrement avec un sapeur de sa connaissance et de la vôtre aussi, Adélaïde, puisqu'il lui demandait de vos nouvelles et que c'est de cette manière que j'ai reconnu l'enfant. Adélaïde, troublée. Effectivement, monsieur Vermouth, effectivement, c'est un de mes cousins. Différemment, je n'aime pas que les jeunesses comme vous aient des cousins dans les sapeurs. Je les connais, les sapeurs. Rien de sacré pour un sapeur. Jaloux? Non, mais promettez-moi de vous brouiller avec ce cousin-là. Allons, je vous le promets. Êtes-vous content? Vermouth, avec enthousiasme. Que vous êtes une divinité et que demain je vous attends sur le coup de midi devant les singes. J'y serai. Vive la ligne. Fin de Adélaïde et Vermouth par Eugène Verconcin.